si manque pas mon soir, puis si mon bouche comme la fine bois. On lève la fine plissée, à force ballon on m'a rangé. Mais je comme par hasard, moi la rentre un petit peu tard. Tant que c'est dans le sommeil, la mort, la mette à moi dans des hauts. La colbe baby fait mal pour l'estomac. La maladie, ça y fatigue mon esprit. Ça fait perdre à moi, tout ça de moi, nana. Fais-vous laisser quand. Comme il rentre, mais fait bon paix des autres. Dans la case, la pipe a son idole. Comme il commence à battre, c'est la porte. Mais comme tantine un peu costaud, il m'aime, il gagne, il met à moi à l'autre. Il dit à au moins la gagne est galop. Le ciel t'es bois pas de l'eau. Ah bon? La maladie, la calme et baby. Il fait mal mon estomac. La maladie, ça y fatigue mon esprit. On fait perdre à moi, tout ça de moi, nana. La bouche fait rien que la grimace. La micro de gueule donne un coin. On dirait mon triple puis même place. Depuis ce jour, moi la dit baya. L'alcool m'y boit pire. À boire un peu jus de fruits, coupé avec whisky. J'ai fait rien que la grimace. T'as mis quoi de gueule dans un coin. On dirait mon triple pied même place. Et puis ce jour moi la dit baya. L'alcool m'y boit pis. Monter. M'a boire un peu jus de fruits. Coupé avec whisky. Jus de fruits.